Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc hier, dakhalna fil mas'ala at-tasi'a. Neuvième mas'ala. Par rapport au sourate al-Baqara, qui est la 29e verset de sourate al-Baqara. Fihi, qala Allah ta'ala, huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'. Qui est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis orienta sa volonté vers le ciel. Donc l'ishkel, c'était entre savoir qu'est-ce qui était créé en premier. Est-ce que c'est la terre ou le ciel? Donc la terre a été créée en premier, comme nous l'avons dit. Cependant, c'est quoi la création de cette terre? C'est son origine, et non pas le fait qu'il y ait instauré, qu'il ait planifié, et qu'il ait aplani à Fouane et qu'il ait mis les montagnes ainsi que les fleuves. Chose qui s'est faite après la création des cieux. Maintenant, le Shir cite un autre Ishkel qu'il a trouvé. قال رحمه الله تعالى إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعض خلق السماء وفي هذه الآية تصريح بأن الجميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. Il dit, cependant, il reste un problème par rapport au sourate al-Baqara, qui est le verset là sur lequel nous sommes en train de débattre. Que Ibn Abbas, il a lié entre la création de la terre, que celle-ci ait lieu avant celle des cieux. Et que par contre, le fait qu'il ait aplani et qu'il ait instauré ce qu'il ait instauré, cela ait lieu après qu'il ait créé le ciel. Alors que dans Sourate al-Baqara, il y a une parole claire disant que le tout ce qui a été passé sur terre a été créé avant le ciel. Car il dit dans le sens, il est celui qui a créé pour vous ce qu'il y a, plutôt qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Puis, d'accord, puis tourna sa volonté vers le ciel. Verset 29, qui est le verset d'aujourd'hui. قال المؤلف وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذه الإشكال وهذا الإشكال حتى هادني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. Donc il a dit quoi? Je suis resté un long moment, une longue période, à réfléchir comment résoudre ce problème. Jusqu'à ce que Allah m'ait permis, m'ait guidé un jour à pouvoir comprendre enfin. Et cela par les versets du Coran eux-mêmes. Donc il a dit ce problème, alhamdoulilah, sera dissipé sous deux angles. Et chacun d'entre eux, lui-même, est basé sur le Coran. قال الأول أن المراد بالخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير لا الخلق بالفعل الذي هو إبراز من العدم للوجود والعرب تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. Donc il a dit en premier lieu que le sens voulu par khalq, le mot en arabe khalq, que nous on traduit par création en français, il a dit c'est le khalq de tout ce qu'il y a sur terre avant celle du ciel. Là, c'est le khalq dans le sens linguistique, qui veut dire le taqdir, le fait d'estimer, de doser les choses. Et non pas le fait de donner existence à une chose qui n'existait pas, après le néant. Et d'ailleurs, les Arabes, dans leur langue, employaient le mot khalq dans le sens de taqdir, de dosage, l'estimation, ou autre. Et puis, c'est un vers de poésie, dont le sens de ce vers, il dit... Yani shahid wala anta tafri ma khalaqta ma khalaqta. Donc ce verset là, ou plutôt ces vers de poésie, le sens que nous dit le mu'alliq du livre, il dit en fait que si jamais toi, c'est-à-dire toi tu es quelqu'un qui décide de quelque chose, tu l'appliques et tu ne reviens pas sur ta décision. C'est-à-dire les choses avant de les faire, tu les estimes, tu les décides, puis tu les fais de façon déterminée. C'est ça ma'nahuna, al-fari wal-qata. Wa ad-dalil ala anna al-murad bi hadha al-khalq at-taqdir annahu ta'ala nassa ala dhalika fi surat Fussilat, حيث قال wa qaddara fiha aqwataha. Thumma qala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Donc maintenant également ce qui prouve du Coran que le sens khalq vient dans le sens de takdir, dans surat Fussilat, détaillé, dans le sens où Allah dit, et qu'il a dosé, il y a dosé, c'est-à-dire sur terre, ses ressources alimentaires. Il a dit, qaddara fiha akwataha. Donc là, dans le sens khalaqa fiha akwataha. Surat Fussilat, verset 10. Et ensuite, il dit, dans le sens, puis il se consacra au ciel alors qu'il était encore fumé. Ça, c'est le premier angle, première réponse. Deuxième, أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا والدليل من القرآن على أن وجود أصل يمكن به إطلاق ولا خلق ولا الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة وفي قول وقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. Donc maintenant il dit deuxième réponse, c'est que une fois qu'il a créé la terre alors qu'elle n'était pas encore aplanie, qu'elle était la base de toute chose, cette terre était la base de toute chose, et que tout ce qu'elle contient, c'est comme s'il avait été créé par l'action. Dans quel sens? Du fait que son origine était présente. Il veut dire quoi par là? Que l'origine d'une chose, même si tout ce qui suit derrière n'est pas encore présent, son origine, on peut l'appliquer sur le tout. Comme il l'a dit par rapport à quoi? Par rapport à Adam alayhi salam. Lorsqu'il a dit quoi à Allah Azzawajal? Dans le sens, et nous vous avons certes créé, puis nous vous avons façonné, puis nous avons dit aux anges. Surat al-A'raf, verset 11. Et sa parole, nous vous avons créé, puis nous vous avons façonné. C'est-à-dire, nous avons créé votre père et vous et nous l'avons façonné. Et pourtant là, dans le Coran, Allah a dit quoi? Il nous parle à nous, qui nous a créés, d'accord? Et qui nous a façonnés. Puis, il a dit aux anges, est-ce que nous étions présents à ce moment-là? Nous n'étions pas présents à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y avait que qui? Que Adam, alayhi salam. Donc là, il a employé quoi? La base de l'humain qui est Adam, Allah s'exprimait en l'appliquant sur toute la création, sur tous les humains, je veux dire. Sur toute sa descendance. Donc, la base d'une chose peut s'appliquer sur tout ce qui s'ensuit. Donc, il a voulu dire par quoi? Que la base de la terre a été créée. La base de la terre a été créée. Et si tu as une autre réponse, وَجَمَعَ بَعْدِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ مَعْنَ قَوْلِهِ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أي مَعَ ذَلِكَ فَلَفْظَ بَعْدَ بِمَعْنَ مَعَ. Et d'autres ulama, ils ont donné un autre sens encore par rapport au verset, qui est par rapport à la part d'Allah dans ce sens où il dit, et que la terre, il l'a aplanie après cela. Yani bar de zalika. Toujours dans Naziat, verset 30. C'est-à-dire le sens bard ici, qui veut dire après, a le sens de avec. C'est le sens de ma'a. Bard ici, il a le sens de ma'a, le sens de avec. Et ils citaient alors preuve en disant wa naziruhu qawluhu ta'ala utullin ba'd zalika zanim dans sourate al-qalam. Qu'il a dit quoi? Utullin ba'd zalika zanim. Là il a dit quoi? Ba'd zalika, au cœur dur. Et en plus de cela, il est un enfant de la fornication, c'est-à-dire on traduirait ça par un bâtard. Non seulement il est un grand désobéissant, mais en plus de cela, ou avec cela en plus, on va dire n'am, avec cela en plus, c'est un bâtard. Et pourtant, l'arabe l'a dit, bar de zalika. Est-ce qu'on va dire grand désobéissant et par la suite c'est devenu un bâtard? Non. Ada, ça le marna mayastakim. C'est pas possible. Donc là, le sens de bar de zalika veut dire ma zalika. C'est-à-dire avec cela en plus. Wa alayhi. Ça, c'est dans Sourate la plume, Qalam, verset 13. Fala ishkala fil aya. Wa yustanisu li hadha al qawl bil qira'ati shadha. وبها قرها مجاهدون والارض بعد ذلك دحاها. Et en plus, ce qui appuie cela, c'est qu'il y a une lecture, une récitation qui était el shadha, c'est-à-dire marginale, c'est-à-dire qui s'oppose à ce qui est connu parmi les lectures du Coran, que Mujahid a récité en disant lui-même directement والارض مع ذلك دحاها. Il n'a pas dit بعد ذلك, il a dit مع ذلك, c'est-à-dire cette lecture marginale shadha confirme ce sens-là. Ce qui apaise les cœurs dans cette interprétation. قال وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة. Puis citer une autre réponse, mais qui elle-même est faible. Donc on se contentera de cela pour l'instant. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.